Écoutez, là, si des gens pensaient que j'étais parfait, là, je pense qu'ils ont eu la démonstration que c'était pas le cas. Il reçoit un double salaire d'ici et de Télé-Québec, mais contrairement à d'autres, il n'a pas de double discours. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vauvau. Yeah! Oh! Eh hey, mon Dieu! Mais il y a donc ben du monde à soir! Hein? C'est malade. C'est fou. Hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h. Ça va nous donner amplement le temps de nous remettre. Ben de nous remettre de Jean-François Lisée. Hein? Tabarouette! Hein? Fred Savard, bonsoir! Bonsoir! Ah non, mais on s'entend-tu que Jean-François Lisée, c'est pire que la fin du monde, ça? Ben là, c'est le 20... c'est le 21, la fin du monde, quand même. Non, non, mais on avait un prélude mercredi. Ouais. C'était le 12. C'est historique, ça. Hey, ça reviendra pas avant longtemps, une suite comme ça, vous le savez, ça? Ben, l'an prochain, non? Ben non, 13 du... Ben Lisée, il va en avoir un, lui, un 13 du 13 du 13. Ah, c'est vrai! Ils ont patenté un 13e mois, Lisée, pour le payer, c'est juste ça? Pour lui! Ben ouais. Ouais! Ah, il peut bien se prendre pour le bon Dieu, hein? Et le 13e mois, il encaisse ça, hein? C'est extraordinaire. Non, mais quand même, on y pense, là, je te regarde. Ça a été exagéré un peu, cette controverse-là, quand même. Ah ouais, vous trouvez, ouais? Ben... Oui, il y avait deux salaires, mais il y a un de ces deux salaires qui était différé quand même. J'avoue. Il était différé. C'est pas un vrai recul comme le PQ nous a habitués, c'est vrai. Non, c'est un étalement du recul, hein, par en avant. Ouais, ouais, c'est une autre. Ben, ça s'appelle en fait reculer autrement. Ouais. C'est le PQ, ça, c'est le branding. Mais ça prouve que les universités là sont pas si sous-financées que ça, s'ils sont capables de se payer Jean-François Lisée. Ouais, hein? Mais quand même. Ouais. Ça aurait pas été pire, hein, il aurait pas engagé Macacoto. Hey, lui là, il vient pas tout seul. Hein? Oh non. Hey, il vient avec ses 22 conseiller? Ah, mais comme le dit le dicton africain, ouais. Hein, ça prend un village pour éduquer un enfant. Puis après ça, ben, tu le traînes avec tout partout dans le monde, les réunions. C'est de même, mais c'est comme ça. Hein? Mais là, on est en restriction budgétaire. Il me semble qu'on devrait commencer par couper les conseillers stratégiques si on veut sauver un peu d'argent. Hein? Les conseillers. C'est drôle, je regarde le PQ, je suis pas sûr qu'il y en a des conseillers. Je suis pas sûr qu'ils ont de stratégie non plus. D'ailleurs, je suis de moins en moins certain qu'ils ont de l'avenir, Fred. Je sais pas si... En tout cas, enfin. Parlant d'avenir, il y a Jacques Villeneuve hein, qui va poursuivre le sien en Europe. Hein? Ouais. Hein? Hein? Hey, on en a parlé la semaine passée de ça. Je le sais, mais on est tellement contents. Non! Je veux dire, ça vaut la peine de le souligner encore à soir. Ouais. Hein? Non, on va se le dire. Le départ de Villeneuve, là, c'est une des meilleures retombées de la Formule 1 qu'on a eue. Hey, ça c'est vrai. Non, mais... Il était-tu bon, lui, une année? Hey! Ouais, c'était avant le verglas, je pense. Hein? Ouais, c'était l'autre millénaire. Ouais. Il a tellement fait de belles choses pour le Québec. Ah ouais. On devrait nommer un circuit à son... Non, moi, je commencerai par un mur. Ah, ouais, c'est ça bon, va bien, ça. On agrandira. Regarde, c'est ça. Hey, parlant de belles choses au Québec, il y a le manoir de Pauline Marois à l'île Bizarre qui est pas encore vendu. Ben oui, parle de richissime belge là, qui veut l'acheter, il a de la misère avec l'immigration. Ben oui, il y a une belle ironie là-dedans, je trouve. Je sais pas si vous avez remarqué ça, là, mais... On dirait que la politique contre les riches du PQ t'arrête de se retourner contre Pauline. Ben oui, ben oui. Mais là, peut-être que le Belge vient d'allumer que le Québec, c'est pas le paradis fiscal qu'il pensait. Non, c'est plus. Vrai, le Québec, c'est pas la Belgique. Non. Ce qui veut dire aussi ben, que Gérard Depardieu viendra pas s'installer ici. Non, mais on le comprend. Hey, avec toutes les horreurs qui tournent depuis 20 ans, lui, là, il pourrait aller en prison hein, comme le maquilleur de l'horreur, Rémi Couture. Regarde, dangereux, ça. Mais là, Gérard Depardieu a pas profané un cadavre dans ses films quand même. Là. Non, lui, c'est tous les jours avec son propre corps qu'il profane un cadavre. Non, mais je sais pas si vous l'avez vu récemment. Là, hey, c'est plus rien qu'un nez, un pic, c'est un tas. Ben ouais. Un tas en scooter, en plus. Ah non, c'est l'enfer. Il y a eu un accident de scooter ben récemment, oui. Il était un peu chaud. Il paraît que le scooter est impeccable. Ah ouais, hein? Pas une graphine. Ben ah ouais. Non, il a été protégé par le corps de Gérard. Ah. D'ailleurs, le corps de Gérard, impeccable. Pas une graphine. Ah non! Mais l'asphalte autour. Ah ouais, perte totale. Perte totale. Ah ouais. Hey, écoute, il y a tellement eu un gros un cratère. Trou. Ils ont trouvé du pétrole. T'as dit? Regarde. Hey, en Belgique, il faut le faire, faut creuser. Hey, mais parlant de perte totale, on va présenter nos invités. Oh. Hein? Hey, on a Jean-Martin Hossan, chef d'Option nationale. Hey, c'était spontané, ça, cette réaction-là. Hey, d'ailleurs, on avise nos auditeurs que la majorité des spectateurs présents sont des militants d'Option nationale. Oui. Je sais pas si vous l'avez remarqué. D'ailleurs, je pense que tous les militants d'Option nationale sont là. Là. Oui. Ouais. Et On les avise qu'il rentre juste 17 personnes dans le studio. En tout cas, on a rajouté 3 chaises. Ah ouais, mais ça, c'était pour les militants de M. Bachand. Oui, oui, parce que justement, notre deuxième invité, ben, c'est M. Raymond Bachand, s'il vous plaît. Hey! Ancien ministre des Finances, c'est notre deuxième invité et c'est la deuxième ben fois oui. qu'il vient nous visiter. Et il est deuxième dans la course à la chefferie, ça tombe ouais, bien! Oui, tout à fait. Hey, mais il y a encore le temps de prendre la tête oui. parce que la soirée est encore jeune, tout le monde! Mon Dieu, qu'il y a du monde à soir. Quasiment épeurant. Merci d'être à l'écoute de la soirée, quand même. Olivier Niquette, les oui, internets, ben s'il oui. vous plaît. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio tradeunioncanada.ca/lasoirée oui. où ils pourront lire un tweet de Mario Roy, chroniqueur au Journal de Québec et initiateur de la Marche bleue pour oui. le retour des Nordiques, qui invite les gens qui croiseront Guy Turcotte à lui faire purger sa sentence autrement. Ah. Bon, ben on leur remercie, M. Roy. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler de ne pas manquer notre spécial de fin d'année de 2 heures qui sera diffusé le 31 décembre à 18h et en reprise le 1er janvier à 20h et on va recevoir Amir Kadir, Denis Coderre, Gilles Duceppe, Pierre Duchesne et Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. J'ai l'impression qu'on va jaser éducation avec M. Duchesne. Hey, ce temps-ci, il se fait aimer par les universités, lui. Hein? Oui. Oh, qu'il y a du fun avec les recteurs. Hey, grosse semaine d'actualité, hein? Grosse semaine d'actualité, tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler du départ de Jacques Villeneuve pour l'Europe. Hé, hey, là! Ça fait 2 semaines qu'on en parle en ouverture! Je le sais, mais ça me rend tellement heureux, Fred. C'est-tu moi où le Québec va mieux? Je pense que oui. C'est une nouvelle ère. Ah, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Oh, gars, il s'en va vite. Hey, depuis 30 ans, Télé-Québec nous ramène ciné-cadeau dans le temps des fêtes avec pratiquement la même programmation. Hein? Et on s'est dit qu'il était temps de dépoussiérer ça et ça nous a donné l'idée de notre palmarès hebdomadaire. Voici donc 5 émissions que Ciné-Cadeau devrait nous offrir. En 5e position, les Dalton sont en cavale. Lucky Luke arrête les Dalton au 357C, mais doit les relâcher parce qu'ils ont une plug à l'Hôtel de Ville. Ah ouais. Mange pas des brindilles, hein? Non, non. En 4e position, Kirikou et la sorcière. Un petit garçon tient tête à la sorcière Sophie qui oblige tout son village à s'abonner au Journal de Montréal. Et finalement, Tim Horton ouvre et Kirikou peut le lire gratuitement. Ouais, ça finit bien. Ça finit assez bien. C'est le fun, les Tim Hortons. Ouais. Moi, j'achète souvent mes cadeaux de Noël. Là, oui, oui. Aye. Les tasses sont magnifiques. Ben, tout le monde est content. Bon, en 3e position, Fourmise. Les mésaventures d'une fourmi individualiste vivant dans une colonie dirigée par un général mégalomane. C'est tout? Non, non. Elle se libère en écrivant une thèse sur le général et reçoit en plus une bourse de 3 000 $ de l'Institut économique de Montréal. Va être bon. Et, c'est spécial, hein? C'est pour enfants, ça. En 2e position, Astérix chez le Breton. L'intrépide Gaulois se rend en Amérique chez son cousin Daniel afin de l'aider à payer son loyer. Oui, et faire le ménage de ses enfants vides. Oui. Ben oui, il se laisse traîner, hein? Ben oui. Je dirais un cochon, mais c'est plus un sanglier. Il sanglie. Un vrai sanglier. Il sanglie, ça. Ben oui. Et en première position, Tintin et le lac aux requins. Tintin tombe dans un lac où nagent déjà Gilles Vaillancourt, Lino Zambito et Richard Marcotte. Il doit donner 3% de Milou pour survivre. Ça va être bon, hein? J'ai bien hâte. Ben moi aussi. J'ai hâte de mettre mon pyjama. J'ai hâte d'écouter ça. Fred, notre premier invité. Ancienne étoile montante du Parti québécois, il est maintenant l'étoile brillante d'Option nationale, selon ses partisans. Accueillons le chef de son propre parti, Jean-Martin Hossard. Hey, monsieur Hossard. Oui. J'ai quasiment envie de vous dire, vous me faites penser à Macacoto. Vous arrivez pas tout seul? Non, hein? Ouais. Il y a beaucoup de monde qui vous aime ici. Ça a coûté moins cher, par contre. Ah, c'est vrai? Ouais. Ben, remarquez que ça vit en région, ce monde-là, sûrement. Ah. Je suis très content de vous recevoir, monsieur Hossan. Très, très content, parce que, honnêtement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles. Très longtemps. Depuis, en fait, le 6 septembre, ou à peu près, hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec vous, monsieur Hossan? Très occupé à continuer à construire le parti. D'ailleurs. Ouais. Il y en a quelques-uns ici qui y participent. Oui, j'oserais dire tous. Mais d'ailleurs, là, bon, écoutez, on vous a suivi évidemment pendant la campagne électorale. En 2011, vous avez quitté le Parti québécois, avec fracas quand même. Et vous avez créé Option nationale. Ouais. Et vous avez fait campagne pour ce parti qui est tout récent. Et vous avez perdu dans votre circonscription. Et maintenant, ben, on se retrouve ici. Vous n'êtes plus en politique active, en fait, à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous manque, ça? Oui, ça manque, c'est sûr. Pas tous les collègues me manquent, certains me manquent, mais la tribune elle-même manque beaucoup parce qu'il n'y a pas meilleure tribune pour faire avancer un dossier ou une idée ou un message. Et là, on sent que ça, ben, ça va super bien avec le Parti québécois, oui. hein, qui semble voguer vers une lancée, là. Une lancée qui va sûrement provoquer des élections très bientôt. Est-ce que Option nationale va revenir aux prochaines élections ou vous allez fonder un parti qui fonctionne cette fois-là? Oui, Option nationale... Je pense qu'on va être obligé de demander aux gens de sortir. Oui. Parce que oui. Non, mais on... Emparez-vous de lui. Mais non, on va être aux prochaines élections avec 125 candidats, il n'y a pas de doute. On rit parce que... Mais les militants d'Option nationale sont très... j'ai quasiment peur. Est-ce qu'on a fait... Est-ce que les gens ont des couteaux, des fusils? Ça? Non. Parce que il me semble qu'ils sont très militants. Hein, on va le dire comme ça. Vous avez une base très solide. Très, très solide. J'ai quasiment peur, d'ailleurs. On nomme ça comment, les militants d'Option nationale? Il y a plusieurs appellations, mais c'est honniste qui semble coller à cause de l'acronyme ON. Honniste. Honniste. Oui, parce qu'on riait dans le bureau, on disait onaniste, il me semble que ça irait bien. Ben c'est ouais. des gens qui sont très... cela dit, on vous avait parlé avant les élections. Notre collègue Jean-Sébastien vous avait suivi durant votre tournée. Et bon, on n'a pas reparlé de la défaite. Et là, on se demandait, vous avez été défait par un caquiste. Hein? Ouais. Si vous étiez resté au PQ, là, vous auriez gagné? Je pense que oui, parce que mathématiquement, il y avait quand même une division du vote. Le PQ a fini dernier dans le comté, mais s'il n'avait pas été là, j'aurais gagné parce que la plupart des votes auraient été transférés vers moi, j'imagine, et non un libéral ou un caquiste. Et est-ce que vous regrettez ça, de ne pas être resté dans le gouvernement marois? Non, absolument pas. Moi, mon objectif en politique, c'est pas d'avoir un chauffeur avec une grosse voiture noire, c'est d'avoir un message clair pour la souveraineté. Puis c'était plus la place pour le faire, je pensais. Donc, il n'y a aucun regret. Puis je pense qu'Option nationale prend la place qui lui revient dans le spectre politique au Québec. Et parce que je veux dire, on va s'entendre, vous auriez eu un poste de ministre, probablement ministre des Finances, puisque là, on a un stagiaire là, qui est là pour l'instant. Économise là-dessus, au moins. Il commence. Mais on a eu le budget qui a été déposé récemment. Là. Vous avez un CV assez impressionnant dans le domaine de la finance. Vous regardez ça, le budget, là. Vous dites quoi de ça? Est-ce que c'est un bon budget? Est-ce que c'est un budget qui est conservateur? Est-ce que c'est un budget que vous auriez fait vous-même? Non, c'est un budget qui manque d'imagination, comme les budgets des nombreuses dernières années, là, incluant les gouvernements libéraux et péquistes. Je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher de l'argent ailleurs que dans des hausses de taxes, de tarifs et d'impôts. C'est la façon la plus facile et la moins originale de le faire chaque année, mais nos ressources naturelles en sont une. Un rapport d'impôt unique, au lieu d'en avoir deux au Québec, on sauve 500 millions par année. Pourquoi on ne va pas chercher ça? Au lieu d'augmenter les impôts et les taxes, il y a des choses un peu évidentes qu'on devrait faire au lieu de mais à court terme, là, parce que justement, on avait Mme Courchesne la semaine dernière. D'ailleurs, il y a vos militants qui m'ont accusé d'être trop gentil avec Mme Courchesne, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée. Elle est adorable. Et non, mais c'est vrai, c'est vrai. Cela dit, Mme Courchesne me dit que vous receviez souvent les appels des firmes de notation qui se disent, ben là, attendez un peu, là, dans vos coupures ou dans vos augmentations de budget, là, ça ne marche pas. On peut-tu contourner ce genre d'appel-là qui semble assez sérieux, hein, quand même? Les contourner, non. Ils sont là, ces firmes-là, puis c'est vrai que ça affecte un peu le taux d'intérêt auquel on peut prêter, mais il ne faut pas non plus tout le temps céder au bluff, parce qu'il y a un petit peu de politique derrière ça aussi. Puis les firmes de notation ne sont pas parfaites, parce que c'est elles qui avaient coté AAA tous les produits qui ont explosé dans la crise de 2008. Donc, c'est pas non plus le bon Dieu en personne qui parle quand elles disent quoi que ce soit. Il faut les prendre parce qu'elles existent, il faut les écouter, il faut leur jaser ça aussi, mais c'est pas elles qui devraient dicter la politique publique au Québec, et nulle part, d'ailleurs. Mais est-ce que vous pensez que, justement, le PQ aurait reçu un petit appel? Pas plus qu'ils en ont reçu avant le budget, j'imagine, où ils ont sans doute parlé à tous les intervenants qui leur auraient parlé de toute façon aux alentours d'un budget. Là. Mais là, bon, on va prendre le pouvoir quand avec Option nationale? Vous venez de fêter votre première année. Vous avez fait un bilan positif. C'est-à-dire... Très positif. Ah oui? Le seul inconvénient, c'est qu'on a perdu le siège qu'on avait. Ah, c'est ça! C'est ça que j'avais noté. Mais dans tout là, le reste, ben écoutez, oui. En un an, on a bientôt 7500 membres, on avait 120 candidats, on a eu 83 000 votes, c'est à peu près sans précédent ça, dans l'histoire d'un nouveau parti en si peu de temps. Donc, c'est un bilan extrêmement positif qu'on doit faire. Évidemment, la série sur le Sunday, ça aurait été de garder le comté, mais ce sera la prochaine fois. Et donc, la prochaine fois, c'est dans à peu près 12 mois. On se dit à peu près ça. Non, mais si on rit, mais ça va être probablement ça. Quand il va y avoir un chef au Parti libéral, à mon avis, on va compter jusqu'à 3, puis ça va être ça. Quand on va se représenter. Est-ce qu'on va se représenter avec une alliance? Est-ce qu'on va faire des alliances avec Option nationale? Vous parlez de fusion. Nous, on ne parle pas de fusion. Il y en a qui parlent de fusion, mais nos statuts sont clairs là-dessus. Ceux qui vont avoir la démarche aussi claire que nous, en faveur de la souveraineté, justement. On va travailler ensemble, mais pour l'instant, les trois partis qui se disent souverainistes, il y en a deux autres, Ils n'ont pas un message très, très clair. C'est assez ambigu, leur affaire. Ils pourraient être au pouvoir pendant 20 ans sans faire la souveraineté et ne pas régner leur programme. Il y a un problème là-dedans. Mais ben, en fait, si on y pense, là, supposons que M. Bachand devenait chef du PLQ. La souveraineté ne se fera pas. Ben, non, mais attendez un peu. Je veux dire, on aurait comme chef de parti François Legault, souverainiste. Oui. On aurait, comme chef de parti au Parti libéral, M. Bachand, souverainiste. Oui. En tout cas, ancien souverainiste, là, on peut changer d'idée. Fait que là, il n'y aurait que des souverainistes comme chef de parti. Je veux dire, il y aurait moyen de faire une fusion pour séparer le Québec, mon Dieu! Ben non, je pense qu'il faut, un parti qui a une plateforme qui dit qu'il veut être élu, ce parti-là, pour faire la souveraineté, sinon c'est pas légitime. Donc, mais il faut le dire avant l'élection, pendant l'élection, puis après, il faut le faire. Mais après l'élection, là, quand on regarde ça, est-ce que c'est pas la preuve que peut-être que c'est pas le bon message à lancer? Parce qu'on retient quand même qu'Option nationale n'a pas fait élire de députés, et puis à combien de pourcents? On a eu 2%. 2% à peu près. Mais en fait, compte tenu des circonstances, vous savez qu'il y avait un vote très, très fort contre le parti au pouvoir, donc les gens votaient pour l'alternative qui était la plus évidente des dernières années. Il y a eu une alternance entre les deux partis. Donc le contexte était très mauvais pour un nouveau parti. Puis le fait qu'on ait fait 2%, malgré ça, malgré le peu d'argent qu'on avait, c'est absolument spectaculaire, moi, je trouve. Et ça nous incite à continuer encore plus. Mais la souveraineté va se faire le jour où un parti le dit clairement avant l'élection, va être élu pour ça, puis va le faire après. Ça ne peut pas se faire autrement. Justement, quand vous avez quitté le PQ, vous avez parlé d'un livre que vous alliez écrire sur la démonstration, en fait, des arguments économiques pour réaliser la souveraineté. Ça, on en est rendu où dans ce livre-là? Il avance très peu. Pourtant, c'est un manque de temps. Mais pourtant, vous avez du lousse, là, il me semble que. Pas vraiment. En fait, depuis les élections, c'est plusieurs dizaines d'heures par semaine que je passe pour travailler au parti puis aider à le développer. Oui, mais des semaines de 10 heures, c'est plusieurs dizaines. Ah, plusieurs dizaines, pardon. Donc, je suis aussi occupé qu'avant, en fait. C'est juste que je siège plus, donc j'ai plus à faire des transports vers Québec puis tout le temps vivre dans la voiture, mais je travaille autant qu'avant sur le parti. Et là, donc, vous allez avoir quoi comme prochaine étape? Est-ce que vous allez vous trouver un emploi? Parce que je lisais récemment, d'ailleurs, en date du 14 novembre, vous étiez toujours à la recherche ou en fait en réflexion sur quoi faire dans votre vie. Oui. Ben, en 2013, disons que les probabilités sont que je retourne soit à la finance ou que je m'en aille dans le monde d'enseignement, enseigner à l'université la finance et l'économie. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Je réfléchis à tout ça. Exactement. Et la musique, parce que je sais que vous êtes un très bon musicien. Je suis un excellent musicien, oui. J'y travaille. Un album bientôt? Ma passion véritable dans la vie, c'est la musique. Je compose depuis que j'ai 15 ans. Qu'est-ce que tu fais en politique? J'ai 10 ans de piano classique. Ça, c'est la souveraineté qui est une mission ou un objectif, mais ma passion véritable, c'est la musique. Là, vous allez sortir un album, ça veut dire? J'aimerais ça, oui. Oui? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui n'étaient pas des musiciens qui ont sorti des albums. Ça va être meilleur que Jacques Villeneuve. Ben, c'est ça j'allais me dire. J'avais bien peur parce que là, j'étais là, mon Dieu, d'un coup, ça marche pas. Jean-Martin s'en va en dehors comme Jacques Villeneuve. C'est une affaire de fou, hein? Mais si je fais de l'argent, je vais peut-être déménager à Monaco après, par exemple. Ça coûte cher à Monaco, hein? L'argent avec des disques au Québec, c'est plus comme avant. Et c'est pour quand cet album-là et c'est quoi le titre? Le titre, ça va être Les plus grands succès, parce que ça va être mon premier album, ça va être toutes mes meilleures pièces. Mais le titre, je ne sais pas, la date de lancement non plus, mais j'y travaille. Il faut que je cherche un jour s'il y a juste moi qui trouve ça bon ce que je fais quand même. Oui, c'est souvent dur, ça, hein, quand même, quand on relance ça puis qu'on se rend compte que finalement, c'était rien que nous autres qui trouvaient ça bon. Mais quand même, on a très hâte. Vous restez avec nous. De toute façon, on va recevoir M. Bachand tout à l'heure. On va parler des 100 premiers jours du PQ, parce qu'on dira ce qu'on voudra. On a eu du fun. Hein, on a ri. C'est une façon de voir les choses. Ouais, on s'est beaucoup, beaucoup amusé. Alors, vous restez là. Je vous ai même pas offert de bière, je me sens mal. Parce que là, vous avez plus de job, vous. Peut-être. Ce que je peux vous offrir, c'est de repartir avec les consignes vides. Ah, c'est gentil. Mais est-ce que vous voulez une bière? Non, merci. Rien? Restez à l'eau. OK, parfait. Merci énormément. Vous savez, les doubles rémunérations sont à mode au PQ. Oui. On l'a entendu récemment. Bell a décidé d'offrir et de profiter de la vague pour dévoiler un tout nouveau service au double du prix. On écoute la pub. Hey, as-tu vu ça? Wow, Fibre, le meilleur service télé puis un service Internet super rapide pour le double du prix. C'est comme avoir un salaire de délégué à New York puis un salaire de sous-ministre. Ou bien avoir un salaire de ministre puis un salaire de prof d'université. C'est comme si t'avais un salaire de directeur de l'AMT mais que tu payais quelqu'un d'autre pour faire ta job. Ben, pourquoi tu t'abonnes pas d'abord? Parce que je suis pas un élu du PQ. Hey, en passant, là, ces salaires-là, on les paye avec nos taxes. Hein? Ah, je sais. C'est rapide, ça aussi. Quoi, ça? Ben, dépenser nos taxes. Au PQ, la vie est belle. Ah, s'il était chef d'Option nationale, le parti serait actuellement au pouvoir avec une écrasante majorité, tant il est charismatique, rigoureux et pertinent. Et c'est notre reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard. Bonsoir. Ah, bonsoir, mon bon Jean-Philippe Vautier. Comment allez-vous? Super bien, vous-même. Ah, très bien, merci. Good. Parlant d'options nationales, oui? Comment ça se passe aujourd'hui votre entrevue avec Jean-Martin Matt puis sa gang dans le public? Au sang, ça va super bien, mais le public est un peu agressif, mais je comprends. C'est vrai, hein? Ben oui. C'est... D'ailleurs, je les trouve un peu bizarres. Ils me font peur un peu. Vous savez, on a déjà fait des blagues sur Jean-Martin, je pense que vous l'avez déjà dit. Oui. On a été lapidés sur la place publique. Sais, on a je été le sais. Tous les noms. C'est du monde qui n'a pas le sens de l'humour. Ouais. Oui, c'est ouais. bien inquiétant. Ça que je me suis dit, coudon, on a l'impression parfois qu'ils le prennent comme une espèce de gourou. Alors, je me suis dit, pourquoi ces gens-là sont aussi fanatiques de Jean-Martin Hossard? Alors, pour comprendre le phénomène, j'ai contacté InfoSecte pour en savoir un peu plus sur leur camp. Et on m'a dirigé vers M. Yvon Théroux, qui est bioéthicien et spécialiste des religions. M. Théroux, bonjour. Oui. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant toute chose, avant de parler du cas Jean-Daniel, c'est quoi exactement une secte? Bon, c'est un groupuscule qui s'est détaché d'une religion mère ou d'un parti politique père. Et qui suit à ce moment-là un nouveau leader, des nouvelles doctrines et par conséquent de nouvelles promesses. Mon Dieu, j'en ai froid dans le dos à vous écouter. C'est extrêmement intéressant. Maintenant qu'on sait exactement c'est quoi une secte, dans quelques minutes, on va décrypter précisément le cas d'Option nationale. C'est évidemment Jean-Martin et sa gang décident pas de s'immoler par le feu pendant la chronique de Fred Savard. Ben ça, c'est pas donné, ça, frère Jean-Sébastien. Non! Vous savez comment il est plate, Fred Savard? Oui! OK, je vous remercie beaucoup. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur la première chaîne, une émission qui convoque régulièrement ses 22 recherchistes pour pas mal moins que 63 000 $. Non, il n'est pas un gourou, ni membre de quelque secte que ce soit, si ce n'est celle de l'humour. Ah, Fred Savard. C'est joli. Ben oui, c'est comme ça. Oui, vous savez, mon mandat à l'émission est non seulement de pondre de délicieuses blagues en ouverture, mais aussi de livrer mon opinion de façon humoristique sur l'actualité dans un billet éditorial écouté par des dizaines de milliers de personnes qui se délectent chaque semaine de mes observations pénétrantes, qui vous titillent les neurones dans le bon sens du poil, puisque, comme vous le savez, les neurones ont aussi des poils. Arrêtez donc. Oui, on appelle ça des dendrites. Arrêtez. Dans les milieux scientifiques. Mais tout ça pour dire que cette semaine, j'ai le caquet assez bas. Ah oui? Oui, en fait, je pense que je suis dramatiquement en manque de bonnes nouvelles. À force de suivre l'actualité de trop près, comme je le fais, j'en suis venu à me dire que le monde est effectivement pourri, et pas juste à Laval. Partout, il est pourri. Ici, en Israël, au Mali, en Oregon, pourri partout. Je ne suis certainement pas le seul à avoir l'impression que le monde n'est jamais allé aussi mal que maintenant. Il me semble que c'est particulièrement vrai depuis cet automne. Hein. On en a parlé en début d'émission. On a cette même impression quand on lit la presse ou le Journal de Montréal, mais contrairement à eux, je ne crois pas que ce soit juste la faute au Parti québécois. J'ai l'impression que ça va plus mal que jamais, probablement par l'absence du hockey du Canadien. Ben, c'est ça, c'est sûr. Oui, ça allait peut-être mal avant, mais on dirait qu'on le savait moins. Hein. Comme le disait si bien le personnage de Jack Nicholson dans le film A Few Good Men, You Can't Handle the Truth, qu'on pourrait traduire par Tu peux pas pogner la vérité. Et visiblement, la réponse est oui, puisque j'en suis presque à chérir l'époque où nos médias nous parlaient surtout de la défaite du Canadien la veille contre Dallas en une de tous les bulletins de nouvelles. Ouais. Parce que depuis qu'il n'y a plus de hockey, il n'y a que des mauvaises nouvelles dans nos journaux. On nous parle que de malversations chez nos politiciens et même chez nos policiers, chose dont on se contre-Saint-Ciboirisait avant que le Canadien perdait contre le New Jersey. On nous parle maintenant de double salaire chez nos politiciens en poste, alors qu'avant, quand le Canadien perdait contre les Islanders. On nous parlait à peine du double salaire de notre premier ministre. On nous parle maintenant de droits d'exploitation pétrolière sur l'île d'Anticosti qui équivaudrait à 40 milliards de barils et qui aurait été donné pour des peanuts à des entreprises privées, alors qu'avant, quand Canadiens perdaient contre le Minnesota, on s'en anti-colissait. D'autant plus que depuis qu'il n'y a plus de hockey, j'ai l'impression qu'il faut vraiment chercher dans les moindres recoins médiatiques pour trouver matière à ne pas avoir envie de boire du lave-vite tellement le monde va mal. Avant, je me serais réjoui d'apprendre que certains spécimens moins bien pourvus par la nature du poisson molitope pratique les relations homosexuelles pour attirer le regard des femelles et bout de vierge, ça marche. N'est-ce pas là? J'ai pas suivi celle-là, mais on en reparlera après l'émission. N'est-ce pas là une excellente... Non, mais c'est vrai. N'est-ce pas là une excellente nouvelle pour tous les pichous hétérosexuels qui ont maintenant une approche de plus, s'ils veulent espérer un jour s'accoupler à la femme de leur rêve? Et n'est-ce pas une bonne nouvelle pour les pichous homosexuels qui pourront maintenant doubler leur chance de faire le grand mambo et pas seulement avec des congénères? Mais non! Même cette nouvelle n'arrive pas à me rendre le sourire plus vigoureux. Je ne souhaite plus qu'une chose maintenant, retour du hockey au plus sacrant pour qu'on reprenne une vie normale comme avant quand on nous entubait à notre insu. Et si jamais c'est impossible, je souhaite que la prophétie des Mayas se réalise et que la fin du monde arrive le 21 décembre. Parce que plus grave encore qu'avoir à déprimer sur l'état pourri de notre monde, pas juste à Laval, n'est toujours pas fini mes achats de Noël. Et je pourrais au moins économiser là-dessus parce qu'on sait très bien qu'en cette époque d'incertitude économique, même la fin du monde ne sera pas gratis. Ah, oh, Fred! Vous êtes tout le temps drôle. On va retourner discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Jean-Seb! Ah, bonjour, Jean-Philippe, toujours avec Monsieur Théroux, bioéthicien et spécialiste des religions. Avec qui on se pose la question aujourd'hui, je le rappelle, est-ce qu'Option nationale est une secte? Alors, je vais commencer par vous présenter une photo de Jean-Martin, Monsieur Théroux. Alors, a priori, en le voyant, est-ce qu'il a la gueule d'un gourou toujours? Je dirais pas un gourou, parce qu'un gourou, c'est séducteur. C'est gentil. C'est pas fin, ça? Et puis, non, je le vois plus comme professeur d'université. Ah! Mais justement, vous parlez du charisme, c'est intéressant parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui reprochent à M. Hassan de ne pas avoir de charisme. Bon, c'est sûr qu'il est un peu coquet avec ses cheveux silver et ses lunettes de Monique Giroux. Néanmoins, on s'entend, c'est pas René Lévesque. C'est quoi le charisme exactement? Ben, le charisme, c'est une qualité qui transcende ce qu'on reconnaît d'habitude chez des politiques, des politiciens. Quand on fait des jokes sur lui, ses adeptes chient des tacts sur un temps rare. Est-ce que l'absence d'humour peut indiquer qu'on est sous le joug d'un gourou? Ça serait une preuve indirecte. parce que dans le fond, il y en a qui s'attachent plus aux idées qu'à la personne qui aimait les idées. Ouais. Et à ce moment-là, ils vont défendre les idées, mais ils laisseraient tomber la personne assez facilement. Au revoir. Hey, ça va pas bien pour vous, hein? Comment ça? Ben, je veux dire, si vous runnez une secte, là, vous allez vous faire arrêter. Ben, j'en veux pas de secte. Ah non? Bon, c'est peut-être vos militants. En tout cas, vous restez avec nous parce qu'on va recevoir justement notre deuxième invité, Fred. Ancien ministre des Finances sous Jean Charest, il tente maintenant de le remplacer à la tête du Parti libéral. Sa deuxième présence à l'émission devrait le propulser au sommet. Voici M. Raymond Bachand. Bravo! Merci, M. Bachand. Applaudissez fort, là. Regarde. C'est pas aussi facile là, d'avoir des jeunes libéraux. C'est pas facile d'avoir des jeunes libéraux. Ils sont pas dans le même secte. Ben non. Je sais bien. Hey, on est-tu content de vous recevoir pour une deuxième fois, M. Bachand? Ben moi aussi, merci. Vous savez que... plaisir, mais vous savez que la dernière fois, malheureusement, les Québécois ont perdu leur voyage en Grèce, pas en Espagne. Je le sais. C'est vrai, je le sais. C'est une promesse, c'est un engagement. C'est une croisière, hein, c'est plus long. Non, mais vous êtes le premier invité à revenir à l'émission, à part Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Est-ce que vous êtes deux personnes pareilles? Est-ce que vous vous liez à plein d'endroits? Non, je vois pas beaucoup. Non, okay, d'accord. Hey, je suis là, puis mon Dieu, je prends un bon hôte. Est-ce que vous voulez une bière? Non, merci, c'est bon. Mon Dieu. C'est comme ça, il y a des semaines plus. Mais c'est je vais boire tantôt, mais là, je prends le tour. Je conduis. Non, mais il y a des barrages partout. J'ai retrouvé ma liberté. Vous êtes dans l'opposition, vous avez plus chaud. J'ai retrouvé ma liberté. C'est vrai. Et c'est un plaisir de marcher. Vous savez, vous n'avez pas le droit de marcher, de conduire. Non, mais c'est vrai. Vous n'avez pas le droit de tourner à droite aux lumières rouges à Montréal, vous savez ça? Ça, je sais. OK, parfait. Non, parce que c'est une bonne affaire. Ben non, je sais bien. J'ai une première question qui me vient à l'esprit. Droite trop souvent dans une société non plus. Oh! Mais ça, c'est intéressant, ça. Ben, malheureusement, on ne parlera pas de politique ce soir. Enregistré, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai une première question. Et franchement, je m'éloigne un peu de vous parce que j'ai peur que vous me fassiez mal, M. Bachand. Je vous ai vu avec Philippe Couillard. Vous n'êtes pas bien, bien gentil. Vous l'avez, vous y avez donné un petit kick d'un parti récemment. Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas été très, très gentil, Philippe. Comment ça? Donc, vous trouvez? Bien, il a fallu que vous vous excusiez, ou en tout cas que vous... Non, vous n'êtes pas excusé? Non, je ne me suis pas excusé. Ah, ben, je n'ai pas les mêmes journées. Non, je ne me suis pas excusé. Mais c'est compliqué, une course au leadership, parce que c'est un peu comme trois équipes de hockey. Là, on est trois, on est à quatre. Ouais. Trois équipes de hockey, puis on joue l'un contre l'autre. Puis après ça, tu sais que tu t'en vas dans l'équipe d'étoiles pour combattre les Russes, disons. C'est, là, ben, pour oui, non, c'est de hockey. Mais pendant que tu joues l'un contre l'autre... de temps en temps, tu donnes des mises en échec. Ben, parce que sinon, tirer ça pile ou face. Ben on non, est tous beaux, fins, gentils, on est tous censés être exceptionnels. Ben, un conseil, tirer à pile ou face. Un conseil, créez-vous un parti. Regardez comment ça va bien pour Option nationale. Regardez. Non, mais quand vous étiez venu nous voir, mais là, je niaise, les militants qui sont ici, là, sont en train de capoter ben raide. Ouais. D'ailleurs, ils prennent de la bière comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hein. Ouais. Ouais. Ouais. Non, mais quand vous étiez venu il y en a qui ont des flats, ils mélangent, ils chase. Vous étiez venu nous voir pendant la campagne et je me rappelle très bien, vous nous aviez dit que le Parti libéral ne prendrait pas la débarque qu'on pensait qu'elle allait prendre. On a ri de vous, puis finalement, vous aviez raison. Oui, c'est votre job de rire. Ben non, je sais bien. Fait que là, je pense que vous avez le droit de rire de nous là maintenant parce que vous n'avez pas pris la débarque qu'on pensait. Non, 32 %, c'est ce que nos sondeurs nous disaient. Nous. 32 %, c'est ça qui est arrivé. Puis comment ça se fait que les sondeurs des journaux, ils n'avaient pas le même résultat? Ben, c'est parce qu'on suit le CA des journaux. Parce qu'ils ne nous aiment pas, mais aussi parce qu'ils prenaient les indécis. Je suis en train de me dire que la presse ne vous aime pas. Ah, oui, un peu. Ouais. Mais ils prenaient les indécis, puis les indécis, c'était des fédéralistes, c'était des gens pour qui l'économie est importante, ouais, etc. Ça suffisait que tu en mettes 50 à nous, un quart aux autres, puis tu arrives à 32. Ben, feriez bon sondeur, vous. Yeah. Si vous perdez la course à la chefferie, là, oui, vous pensez faire quoi après? rester député? Ben, je vais respecter le mandat que les électeurs d'Outremont m'ont donné, puis à la prochaine élection, on en parle? On verra. OK, non, mais supposons qu'on réfléchisse tout de suite. On là. Va réfléchir, parce mais vous savez pas décision quoi? Décision de famille. Ah oui? Ouais, décision ouais. Mais parce que là, ça c'est quand même toute une différence. Là. Si vous prenez la tête du Parti libéral, ben, ça va être une méchante ride que vous allez prendre, là. Je veux dire, tu sais, c'est plus... Ça va être le fun? Ben, oui? Moi, j'ai hâte à la campagne électorale contre Pauline Leroy. J'ai vraiment hâte à Pensez-vous ça. Qu'il va y avoir une campagne bientôt ou... Ça va être Pauline? S'il continue comme ça, ben, oui. On n'aura pas le choix. Ben, justement, parlons des 100 premiers jours de Pauline Leroy. Ça a été assez le fun. je lisais sur mais, le mais site... si vous faisiez un téléroman oui? à Radio-Canada ou à votre autre poste... Là, oui, oui. Télé-Québec, on appelle. Télé-Québec. Okay. Vous, non, mais je ne sais pas si vous aviez le droit. Non, si vous le financez en masse, on peut en parler s'il n'y a pas de problème. Les gens ne le croiraient pas. Ben non, je sais, ça pourrait s'appeler quoi? À reculons. Ouais. Chose de même. Mais je lisais sur le Facebook du Parti québécois, il n'y a pas si longtemps, après les premiers 100 jours, le Parti québécois écrivait « Le Québec s'est remis en marche. Après 100 jours, le bilan du gouvernement est impressionnant. Nous avons fait plus en 100 jours que les libéraux en 9 ans. » Ouattata, hein? C'est beau, ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il y en avait fumé du bois en écrivant ça. Vous pensez? Oui. Ben quand même, je veux dire, ils ont déposé un budget que tous ont dit libéral. Est-ce que c'est vrai, ça? Ancien ministre des Finances là, qui a déposé... Le conseil du patronat l'a aimé. Mais ouais. Vous ne voulez pas être trop sérieux ce soir, parce que là, je vais rentrer dans une partie sérieuse, mais tu sais, si ils ont pigé 1 000 $ dans la poche de 100 000 personnes, les 100 000 personnes de 65 ans et plus, là, qui avaient une baisse d'impôts, qui... 400 $, ouais. Ils ne sont pas allés rétroactifs. Il n'a pas osé, il aime ça la rétroactivité, mais il ne l'a pas fait. Le 400 est acquis, mais l'autre, 100 $, il a pigé dans les poches. Et puis, si on regarde ce qu'ils font globalement, moi, je suis très inquiet, mais on ne parlera pas de ça. Ben oui, on va en parler, on a du temps. Mais justement, vous avez laissé... Ça, c'est pas en marche, c'est un... Ben c'est parce qu'en fait, ils ont été obligés de reculer. Le Québec selon... est en paralysie actuellement. Les investissements mais sont... Mais ils ont été obligés de reculer parce que Pauline nous a avoué que vous aviez laissé un petit cadeau de 800 millions avant de partir. Hein? J'ai demandé d'ailleurs à Mme Courchain la semaine passée. Elle me dit que ce n'est pas de sa faute et je la crois parce que je l'aime beaucoup. Mais quand même, au ministre des Finances, je vais lui demander, est-ce que vous avez laissé un petit cadeau de 800 millions? Ben non, c'est un écran de fumée, ça. Ben voyons mais donc. Il faudrait peut-être que Stéphane Bédard ait juste une job. Peut-être que ça aiderait, tu sais, contrôler les dépenses. C'est parce, qu'on... Parce que tous les ans, tu donnes 2 % au ministère. Puis ouais. Là, rendu au mois de mai, juin, juillet, l'autre année avant, il dépassait 600 millions. Puis Michel Courchain, elle, ben, se mettait à tâche, puis tous les semaines, elle rappelait à l'ordre, puis elle ramenait ça. On a ramené ça, d'ailleurs, on a fini l'an dernier avec des dépenses consolidées moins que le budget. Ça va être la seule phrase sérieuse de la soirée. Donc, ça fait 3 ans qu'on arrive avec des déficits moindres puis un contrôle des dépenses. Alors, c'est un phénomène normal. Il arrive des choses. Tu as une maison, puis à un moment donné, le toit coule, ben, tu le répares, puis là, tu coupes d'autres dépenses, tu mais évidemment, je n'ai pas la compétence pour savoir si vous êtes en train de me passer un sapin, mais je ne sais pas s'il y a un financier dans non, ça. Ah, M. Hossan, est-ce que c'est vrai ce que M. Bachand est en train de nous passer là, comme sapin? La vérité, c'est que tout le long du règne libéral, on est en déficit structurel au Québec. C'est vrai, ça? Oui. Peu importe l'économie, qu'il y ait récession ou non, les finances publiques n'étaient pas équilibrées. Donc, j'admets que le budget péquiste n'était pas fantastique, mais les 9 qui ont précédé n'étaient pas fameux non plus. Mais est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais Jean-Martin, il aurait peut-être aimé être en équilibre budgétaire pendant la récession, puis qu'il y a 200 000 personnes qui perdent leur emploi au lieu de 60 000. Mais ça, c'est un choix de ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un débat? Oui! Ça me surprendrait, par exemple. Je suis désolé. Non, mais vous avez chialé beaucoup contre Pauline. Et même à Chicoutimi, récemment, vous avez dit que le PQ, mon Dieu, j'ai de la misère à dire ce mot-là ici à Radio Publique, là, mais je vais le dire quand même, le PQ a fourré les gens. Vous avez dit ça, vous? Avec des promesses qu'il ne tient pas. Comme un divan, là. C'est, ben, OK, je comprends ce que vous voulez dire. Mais un gouvernement qui tient pas ses promesses, là, c'est étonnant. Ça. Comment le Parti libéral a fait pour tenir ses promesses pendant les 9 dernières années? Ben, je vais vous mettre au défi de prendre notre programme électoral de 2008 puis me dire quel engagement n'a pas été rempli, commencé d'être rempli. Non, parce qu'ils ont tous été remplis, puis il y en a une, c'est vraiment non, mais je suis sérieux. Pour vrai? C'est ouais, pour vrai. Il y en avait combien? Pour vrai, il n'y en avait pas beaucoup. Ah ben là, c'est beaucoup. Ça. Ben non. N'en faites pas, vous ne serez pas déçus. Ouais, non, mais on ne peut pas faire beaucoup d'engagement. Mais effectivement, oui, j'ai utilisé ce mot que... Un peu vulgaire, peut-être, par exemple. Ben oui, je vois ça. Mais ça quand bon tu sens. Dis au oui. Monde, moi, dans les écoles à Côte-des-Neiges, il y a du monde qui me dit « Raymond, j'ai pas voté pour toi parce que je vais sauver 400 $. » Le 200 $ de cotisation santé pour moi et ma femme. Des gars qui ont que 50 000, là, des professeurs, etc. Ouais. Ben, eux autres, je regrette, ils payent 400 $. Il y avait une promesse de l'abolir, mais là, il y a 4 millions de personnes qui le payent aujourd'hui. 100 $, 200 $, 500 $, etc. Je vais aller voir mon conseiller financier. Il avait promis de geler les tarifs d'électricité, les dégels, le bloc patrimonial. Alors, mais le problème... C'est des bonnes décisions sur le fond, Mais c'est le contraire. C'est pas juste de respecter les promesses qu'on a faites, c'est de pas inventer des promesses après une élection aussi. Les gaz de schiste n'ont pas été prononcés une fois dans l'élection de 2008, puis ça a été un des dossiers majeurs de votre dernier mandat, en fait. Non, mais donc, sur les 100 premiers jours du PQ, là. Non, vous parliez de votre bilan. Non, ça longtemps, ça! Dans votre bilan, vous avez respecté des promesses que vous n'avez pas faites. Donc ça, il y a un petit problème en politique là-dessus. Mais bon, là, je commence à voir chicaner. Si, là, c'est Noël bientôt. D'ailleurs, moi, le 16 décembre, j'ai un rendez-vous avec Mme Courchaine, je vais faire son arbre de Noël. N'oubliez pas le 7-Up. Hein? Ah non, je sais. Est-ce que vous savez comment faire ça encore? Un arbre de Noël? Oui. Ben, elle va me montrer. Mme Courchaine le fait seulement le 16. Vous le faites quand, votre arbre de Noël, vous? Il est fait. Arrêtez donc. Oui. Ah, c'est ça. Il est fait chez nous. Ah oui? C'est un vrai ou un artificiel? Ouais. C'est maintenant un artificiel parce qu'on avait trois petits-enfants, un chien, un foyer. Alors, c'est un artificiel. Ah, et puis, Jean-Martin, votre arbre de Noël? Ah, il est fait depuis longtemps, depuis le mois de novembre. J'adore Noël, moi. C'est vrai? Mais c'est parce que. On a des petits-enfants de 2 ans aussi, des jumeaux de 2 ans, puis ils sont fascinés par les lumières. Depuis le mois de novembre. Ben, à 10 ans par semaine, ça laisse du temps. C'est parce que. Parce que je le démontre chaque jour. Vous vivez dans le bois, il n'y a plus d'argent, le pauvre. Il vit dans le bois. On comprend. Mais non, mais sans blague. Là, on le sait que Option Nationale, les militants d'Option Nationale se décrivent comme des souverainistes pressés. Est-ce qu'ils sont sur une autre planète, selon vous? Faites attention, il n'y a pas de vide ici. Il y en a qui ont des bouteilles vides. Ben, je respecte l'opinion des gens qui ne pensent pas comme moi, mais je pense que cette opinion-là a été bâtie au fond au début des années 60, que le Québec de 2012, le Québec est libre. Nous sommes libres de nos choix, nous sommes maîtres de notre destin. Nous avons fait un progrès fabuleux comme peuple en 50 ans. Puis tu sais quoi? C'est la même constitution qu'en 1960. Ah, c'est pas la constitution le problème. C'est quoi? Et tout le problème. Quand on se prend en main ensemble comme peuple, quand on s'unit au lieu de se diviser, on est capable de... Il n'y a plus de discrimination systémique au Québec. Moi, je me faisais dire « Speak White » en 1959 sur la rue Sainte-Catherine, c'est plus vrai. Les francophones ne pouvaient pas être vice-président du Canadien national, de Shawinigan Lighted Empire, c'est plus vrai. On peut conquérir la planète de Bombardier à Couchard. Non, mais c'est... tout le monde peut faire tout maintenant. Je dirais, la corruption est ouverte à tout le monde. Si, on est... Oui, oui. On a nos problèmes comme tout le monde. On a un peuple les plus éduqués de la planète. Et qu'on est chanceux. Alors, on est libre. Bien, j'imagine que M. Saint est d'accord avec ça. Non. OK. Non, mais vous parlez comme si la souveraineté avait été un débat d'une génération si intemporelle de vouloir décider de tout ce qu'on fait chez nous. C'est la même chose en 1960 qu'aujourd'hui. Puis des pays dans le monde, il y en a de plus en plus, il n'y en a pas de moins en moins. Il y en a 50 de plus que depuis le premier référendum. Les nations se réveillent partout pour parler d'égal à égal entre elles, puis il est grand temps qu'on participe à ça. Bon, ben, je pense que les gens vont applaudir éventuellement. Ben, j'imaginais bien. Je vais l'entendre de temps. C'est donc maintenant des militants. Hein? Ben, je vous remercie beaucoup, M. Bachand. Vous restez avec nous. De toute façon, on va écouter notre prochain chroniqueur, Fred. Il écoute la radio pour nous offrir les pires extraits, exactement comme on lave les écuries d'Augias en se bouchant le nez. Mon Dieu. Voici la chronique d'Olivier Niquel. Ouais. Vous êtes cultivé, Fred, hein? Non, mais c'est qu'Olivier m'inspire un peu une espèce de mythe grec, là. C'est vrai qu'il travaille souvent nu. Allez-y, Fred. Olivier, pardon. Toujours. Ben, la fin de semaine dernière s'est terminée sous le signe du tofu, alors que TVA présentait un documentaire, oui, un documentaire à TVA, sur la face cachée de la viande. Ah. Il mettait en vedette une belle brochette végétarienne d'experts internationaux comme Georges Larac, Pamela Anderson et Maman Dion, qui ne sont pas parvenus à émouvoir Denis Gravel de Radio X, un fier mangeur d'excréments. Ben oui, mais moi, j'aime ça, de la saucisse. Ça me dérange pas de le savoir. Mettez ce que vous voulez dans la saucisse, les excréments du poussin, les griffes du cochon, ça me dérange pas. Je trouve ça bon. J'avais un peu le même réflexe en écoutant le documentaire d'hier. Comme le disait Bria Savarin, un fromage que j'aime bien, « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. » Je vous laisse tirer vos conclusions. Pour rester dans la bouffe bio, des chercheurs ont découvert cette semaine que la consommation de boissons gazeuses pourrait faire augmenter les risques de cancer de la prostate. Oui, ben oui. Et qu'est-ce que les médias c'est qui nous manipulent ont choisi pour illustrer cette nouvelle? Et oui, une canette de Coke. Stéphane Dupont. Avez-vous remarqué qu'ils n'ont pas mis la photo du Pepsi? Ils n'ont pas mis la photo de Pepsi, là. Parce qu'on est tous du Pepsi au Québec. Puis moi, je suis pas en guerre plus que... Moi, je bois du Coke, mais faites ce que vous voulez, je m'en sers. Ici, c'est Pepsi. Là. Mais c'est bien Pepsi. En vue. La gauche boit du Pepsi, c'est aussi con que ça, là. Oui. Je l'invente pas. Alors, boire du Coke, oui. Coke est trop... On dirait que Coke, c'est l'image américaine. Ah oui, Jean-Philippe, je vous regarde, là, vous vous prenez pas pour un 7-9. Fait que d'après moi, vous êtes un genre de bobo. D'ailleurs, là, vous fitteriez bien avec Anne Dorval. Mais pour revenir au buveur de Coke, Adrien Pouliot, ancien conseiller de l'ADQ et candidat potentiel à la chefferie du Parti conservateur du Québec, faisait mardi son bilan des déboires du PQ en commençant par la démission du ministre de l'Environnement, Daniel Melon. Breton, c'est un melon. Hein, c'est un gars qui est vert à l'extérieur, mais c'est un rouge à l'intérieur. C'est un communiste à l'intérieur, là. OK, on va y donner, t'as assez pas pire, quand même. Autre constat de M. Pouliot, le PQ flirte dangereusement avec la dictature. Du remplacement du chef de la Sûreté du Québec, là, Richard Deschênes, par Mario Laprise, là, ça m'inquiète, là, parce que j'ai l'impression d'être quand même une république de bananes. Tu sais, là, quand t'as un nouveau dictateur, la première chose qu'il fait, là, il se constitue sa propre police, là. Ah, moi, ça, j'ai trouvé ça, ça vraiment peur. Et le leitmotiv, ça n'a jamais été dit clairement. Est-ce que le PQ avait peur de M. Deschênes? Bon, la théorie du complot tombe à l'eau puisqu'on a appris par la suite que M. Deschênes était peut-être une pomme pourrie au sein de la SQ. Au moins, avec le ministre Melon, la République de bananes, on va faire une belle salade de fruits. D'autre part, on apprenait cette semaine que le gouvernement conservateur avait soumis un projet de loi... un projet de loi pour améliorer la transparence des organisations syndicales. Demandons d'ailleurs à celui qui a remporté cette semaine le prestigieux prix d'éducation économique de l'Institut économique de Montréal, Éric Duhaime, de nous faire un portrait du syndicalisme moderne. Éduque-nous, Éric. Oui. Malheureusement, c'est des parrains de la gauche. Ce ne sont plus des organisations ouvrières. Ils ne sont plus là pour défendre les pauvres et l'orphelin. Ils sont là pour s'engraisser, pour être dans toutes sortes de magouilles, se cacher, puis être antidémocratique, puis brimer vos libertés. C'est devenu ça, malheureusement, les organisations syndicales dans le Québec de 2012. Ben là, ils vulgarisent pas si bien que ça. Là. Syndicat égale Satan, ça aurait été bien plus clair. Terminons avec Rénal Duberger, porte-étendard des climato-sceptiques, qui aime bien se faire aller la négation du réchauffement chez Mario Dumont et Dominique Moret. Il a donc profité de la conférence de Doha pour nous rappeler que c'était donc mieux dans le temps qu'il faisait chaud. Quand tu regardes l'histoire récente, tu réalises qu'au moment du réchauffement médiéval, à l'époque des Vikings, les gens étaient heureux. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de pénurie. Hein? C'est l'époque des constructeurs de cathédrales, d'universités. Autrement dit, quand il fait chaud et beau, les gens sont heureux. Ah, la belle époque du Viking, Othon II, dit le sanguinaire, l'époque des croisades, de l'Inquisition. Oui, l'avenir est radieux bientôt. On va pouvoir se faire bronzer sur le bord du bûcher. On va boire du coke dans des crânes humains en mangeant des hot dogs d'excréments de poussin. Puis maudit qu'on va être bien. Merci Olivier. Ça en vient. Non, mais le Québec va pas si mal. Non. Jacques Villeneuve est parti récemment. Bon. Apple a récemment sorti deux nouveaux iPads, dont le iPad mini, hein, aux grandes dames de ceux qui, comme moi, veulent toujours être à la fine pointe de la technologie. Et bien, selon nos sources, un autre iPad va envahir le marché juste à temps pour Noël. On écoute. Quand un écran devient aussi bon, on a presque envie de le manger. Les mots et les images sont quasiment accessoires. Les chroniques jetables de Richard Martineau, les télé-réalités périmées, même les radios poubelles paraissent mieux. Tout est plus brillant grâce à l'irrésistible écran Cretina. Après le nouvel iPad et le nouvel iPad, voici le nouveau même iPad, mais jetable. Apple, l'obsolescence programmée. Fred, notre prochaine chroniqueuse. L'absurde et le loufoque de l'actualité sont son pain et son beurre. Elle ne manque donc ni de fibres, ni de calcium. Voici le billet de Léa Strelitzky. Bonjour Léa. Bon. Là, je suis très content de vous recevoir encore, Léa, mais la dernière fois que vous êtes venu, vous n'avez pas été gentil avec M. Bachand. Et là, j'en ai mon casse du monde qui sont pas faits avec M. Bachand. Parce que là, je commence à tomber en amour avec les anciens libéraux. Mme Courchesne, je m'en peux plus. M. Bachand, ça fait deux fois qu'il vient, je l'aime beaucoup. M. Moreau était sympathique. M. Moreau, très, très gentil. M. Couillard, moins le fun. Mais c'est vrai, c'est peut-être que c'était pas une bonne journée pour M. Couillard. Est-ce qu'il est aussi gentil dans la vraie vie? Est-ce qu'il est fin, M. Couillard, M. Bachand? Ça fait des années que je ne l'ai pas vu beaucoup. Ben, je pense qu'on va passer à la chronique de Léa. Ben oui, deux excellentes réponses, back attack. Ça devait pas être si pire parce qu'il est revenu. Puis en plus, Jean-Sébastien, on a remis une couche. Ouais, I'm off the hook. Est-ce que vous voulez une bière, Léa? Non, je ne bois pas pendant le service, merci. Mais mon Dieu, Québec. OK, allez-y. Donc, je peux y aller? Ben oui, ben c'est bon. C'est, je suis là pour tabou, ça. Là. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici vos nouvelles insolites de début de soirée. Bon, c'est formel. Hein? Oui. Ouais. Tout d'abord, dans la presse, un récent sondage révélait que les parties de bureau de Noël favorisent les infidélités, ma gang de petits coquins. Fou de même, ouais. 36% des gens avouent avoir déjà été infidèles lors d'un party de Noël de bureau. Ouais, ça fait une personne sur trois, ça, quand c'est, même. C'est ce soir le party de bureau de Radio-Canada. Ouais, ouais. Le pire, c'est que c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Je vais pas d'ailleurs. Mais moi, ça me paraît beaucoup. Levez donc la main, là, ceux à qui c'est déjà arrivé. Ah, ouais, tu vois, personne. Je pense que les sondages vont. Ouais, ils sont gênés. En fait. Ben oui, puis pourtant, on est à la radio. On fait semblant qu'on est à la télé, mais on est à la radio, donc c'est dans l'anonymat. Donc, les fêtes de Noël organisées en entreprise créent même des fantasmes, puisque 62% des sondés s'imaginent avoir une relation avec un de leurs collègues lors de ce type d'événement. C'est quand, nous, notre partie de Noël, ben, comme je vous disais, c'est ce soir, mais c'est juste Fred puis moi. Hein? Ouais, ouais. OK, good. Bon, ben, tant mieux, parce que je voulais juste me renseigner. Bref, en Angleterre, maintenant, la reine Elisabeth II a, pour la première fois de sa vie, fait un petit tour de Winnebago. C'est vrai? Cette chère, les une femme du peuple, n'est-ce pas? Ouais. Hein, mais moi non plus, je pense que je suis jamais montée dans un Winnebago. Vous êtes un peu princesse vous-même. Ben oui, je pense que c'est ma face qu'on devrait mettre sur les 20 piastres. Quitte à avoir un symbole qui veut pas dire grand-chose pour personne, de toute façon, je pense que ma face ferait très bien la job. Ah, je pense qu'il y a des gens ici qui vont vous appuyer. Hein. C'est des partisans d'Option nationale, je peux se dire. Oui, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. On compte les 20 piastres. Ouais. Ils reviendront plus. Okay. Mais sa majesté, elle, aurait apparemment beaucoup apprécié l'expérience. Elle se serait même exclamée à son entourage, on s'y sent comme à la maison. Arrêtez donc. Ben oui, mais sauf sans les 52 chambres principales, 188 chambres de personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain. Mais sinon, c'est pareil. On s'ostinera pas pour une coupe de pièces. Ben, je suis assez d'accord. C'est ça. Non. En Nouvelle-Zélande, maintenant, pour montrer que les animaux abandonnés ont des talents insoupçonnés, on a décidé d'apprendre aux chiens à conduire. Oui, oui, j'ai vu la vidéo. Oui, ouais. ça fonctionne très bien. Oui, c'est vrai, mais c'est pour vrai. Je voudrais juste rappeler, par contre, qu'il y a des régions du monde où les femmes n'ont pas encore le droit de conduire. Donc, est-ce qu'on peut se concentrer sur ça, peut-être, avant, tu sais? Mais je sais pas, moi. Ben, nous aussi, on a des talents insoupçonnés. Jean-Philippe, hein? Bon, les mauvaises langues comme Fred Savard diront que la conduite n'en est pas un. C'est faux, hein? C'est faux. Vous prêtez des mots. Ben, comme si les têtes blanches étaient bien mieux. Pour des ressorts humoristiques douteux. Mais comme si les têtes blanches étaient bien mieux, de toute façon, mon Fred. Hein? Puis je dis pas ça pour vous, monsieur Hossan. C'est là, hein? Vous faites ce que vous pouvez pour vous rendre. Hein? Mais vous avouerez que c'est un petit peu long quand même. Hein? Ça fait juste un an. Oui, allez-y. Mais moi, je vous dirais qu'un collé au volant, ça me stresse moins. Mais bon, c'est moi. Oui, mais allez-y. Toi, tu as une relation spéciale avec les animaux. Les chiens, je veux dire. On va couper ça au montage. Allez-y, oui. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est les animaux, oui, mais les femmes d'abord, s'il vous plaît. Déjà que cette semaine, il y a un petit singe là, qui s'est promené dans le IKEA de Toronto. Oui. Tout le monde a vu ça, il y avait un manteau, tout le monde a pris des photos. Bon. Ben oui. Ben, tu te souviens, Jean-Philippe, il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite, ils avaient fait retirer les femmes de leur catalogue IKEA. Ben ça oui. avait fait scandale. Oui, ben oui. Ben là, ils ont appelé, ils ont dit que le singe, lui, c'était correct qu'il soit dans le catalogue. Ben, je trouve ça cool, moi. Ben moi, je l'ai pris personnel. Bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Léa. Eh bien, c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est Plus on est fou, plus on lit. Et ensuite, Bande à part. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Jean-Sébastien Girard, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté, Nicolas Guindé, Philippe Robert. J'ai un gros merci à nos invités de ce soir. Jean-Martin Hossan. On se revoit aux prochaines élections, c'est-à-dire dans moins de 6 à 10 mois. Ben, en fait, on va demander à notre deuxième invité. Monsieur Bachand, nos élections, c'est quand? Bientôt. Merci énormément. Bonne chance dans votre course. Et merci, j'espère que vous allez être premier ministre parce qu'on va pouvoir vous recevoir. Ça va être la première fois qu'on recevra un premier ministre à l'émission. D'ailleurs, votre ami Jean Charest, on l'attend. Voulez-vous que je vous demande? Ben, si vous pouvez, il est drôle, par exemple. Ben, je sais pas. Il est pas pire. Ben, un gourou. Même quand il veut pas. OK. Merci énormément. Et quant à nous, n'oubliez pas notre spécial de fin d'année le 31 décembre à 18h. Notre prochaine émission, si vous voulez y assister, c'est jeudi à 17h et c'est la dernière avant les fêtes. Nos invités Pierre Curzi, Nathalie Petrovski. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de passer une super soirée. Au revoir!